بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثاره من تفهم بعد فينا أصدق الحديث كتاب الله وخذ هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأخذنا في الدرس السابق الأصل الرابع بكتخم فضمه كي de reconnaître la science et les savoirs. Naam. Et montrer ceux qui s'assimilent à eux. Naam. Et savoir différencier. Savoir différencier ceux qui s'identifient aux ulama, alors que fait le haqiqa, ils sont loin d'être des ulama. Naam. C'est un asl qui a hadim jiddan. C'est un fondement qui est très important. Parce que c'est celui qui nous permet d'accéder à la science. Et c'est celui qui nous permet aussi, kadalika, d'être unis. T'as main dans la main avec le gouverneur, comme on a pu voir, parce que c'est eux qui calment un peu les ardeurs du peuple lorsque tout va mal. Il les rappelle, bi-kitab wa sunna, que quoi qu'il en soit, il faut patienter. Fa l'ijtima fi din illahi azza wa jal, ça passe par le fait d'être éduqué dans la religion, de connaître la religion, de connaître yani ma huwa hablullah, c'est quoi le habl d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on puisse se cramponner. Quelles sont les choses qui font partie du dîn et les choses qui ne font pas partie du dîn? Et ça, c'est la wadifa. C'est la fonction des ulama dans cette umma. Yubayyin lil-nas ma unzila ila ilayhim. Fa wadifatuhum wadifatul anbiya. Naham. Fa ça nous montre yani la grandeur et l'importance de ce asl-là. Parce que c'est l'accès, c'est l'intermédiaire. C'est les intermédiaires entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ces personnes-là, ils se font passer pour des personnes qui ne sont pas, eh bien, ils peuvent yufsid alayka fi dinik. Yufsid alayka fi dinik, et tu penses que toi, tu es en train de te rapprocher, alors que ces personnes-là sont en train de t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naham. Ça, c'est important. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme on a pu voir, il a évoqué qu'il y aura des gens, quand même des charlatans qui vont se faire passer pour des du'at ila Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils vont appeler en enfer, donc. Il faut faire la part des choses et distinguer. Kama fa'ala Hudhayfa ibn al-Yaman faqala sifhum lana ya Rasulullah. Comme on a pu voir dans le hadith, il lui avait demandé de les décrire, afin de pouvoir différencier entre le harim et celui qui n'est pas harim. Quelle est la plus grande sifa des ulama? Awalan, on va prendre yani bayan al-ilm. Bayan al-ilm. Ma huwa al-ilm? Lorsqu'il dit bayan al-ilm, c'est quoi l'ilm? Connaissance d'Allah, de son messager et de l'islam par les preuves. Allah, oui. Et c'est quoi les usuls de l'ilm? Le Coran, le Sunnah, l'ijma. L'ijma, Allah, déjà, c'est important de connaître déjà le ilm. Parce qu'il a dit bayan al-ilm. Qu'est-ce que c'est l'ilm? L'ilm, lorsqu'ils disent les ulama al-ilm, généralement, ce qui est entendu par là, c'est la science, yani al-ilm shar'i. C'est pas les sciences, yani parmi les sciences yani mondaines. Lorsqu'on parle du ilm, on parle de ilm al-kitab wa sunnah, wa al-ulama. Qui sont les ulama? Quelle est la plus grande des sifa des ulama? Al-khashya. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a spécifiés par ça. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ça, c'est la plus grande des sifa des ulama. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui mettent en application leur science. Tam ya'maluna bi'ilmihim. أما العالم الذي لا يعمل بعلمه سسان فاسق يتشبه باليهود كما قال سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Donc ils ont comparé à des ânes à qui on met des encyclopédies, des livres sur le dos. L'âne, il ne profite pas. كذلك celui qui a la science, لكن qu'il ne met pas en application. وقال سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني كذلك الله عز وجل il a donné comme comparaison yani aux personnes qui ne mettent pas en application la science, qui ont de la science lakin qui ne mettent pas en application, aux chiens. Tamam. Yani celui qui a du ilm lakin ce ilm là il le prend pour la dunya comme قال سبحانه وتعالى ولو شئنا لرفعناه بها on l'aurait élevé ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه اخلد الى الارض c'est-à-dire qu'il a pris cette dunya comme étant la vie éternelle dans laquelle yani il va tout faire pour s'émanciper dans cette dunya là c'est-à-dire qu'il n'est pas connecté au kitab à la sunna, c'est-à-dire qu'il suit sa passion, donc il y a une sensation, il ne la met pas en application. Enfin, Allah Azza wa Jal, il l'a comparé à un chien. Al-ulama min abara sifatihim al-amal. Wal-khashya min Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il avait évoqué, rahimahullah ta'ala, wal-fiqh wal-fuqaha, c'est quoi le fiqh? C'est la connaissance des règles. Non. Naham, il y a comme ils disent en français la jurisprudence, mais laquelle fait le hakka, c'est mieux de dire le fiqh. Naham. Jurisconsulte et tout ça, toi. C'est mieux de rester laissé comme ça, toi. Faqih, c'est compréhensible, on dit faqih, c'est celui qui connaît les choses qui sont en dehors de l'aqidah, on va dire. L'aqidah, voilà, c'est plus simple que de dire jurisconsulte, ça rajoute rien du tout. Et c'est pas wadih, mais comme terme, Allah. Non. Jurisconsulte, tout ça, il y en a, ça fait, je crois, ça fait avocat et tout, là. الفقه والفقهاء في الحقيقة ومغتيل الفقه يعني في الدين في الحقيقة سلعين كما قال سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين celui dont Allah سبحانه وتعالى lui veut un bien il donne la connaissance dans la religion et ça passe dans l'aqidah et كذلك dans autre chose que l'aqidah c'est-à-dire une science qui englobe la religion فالفقه c'est comme le alim لكن généralement lorsqu'on utilise le ilm et le fiqh il y a une différence entre les deux est-ce que je te rappelle Le fiqh, c'est lié à la compréhension. L'ilm, c'est le savoir, la connaissance du din d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son messager par l'épreuve. Et le fiqh, c'est comme un degré au-dessus. Il comprend, c'est... Voilà, c'est en fait la science qui est un peu plus minutieuse dans le sens où ça demande de la réflexion, ça demande d'un istinbat, il y a des déductions et tout. Généralement, lorsque le ilm et le fiqh sont utilisés, c'est le fiqh qui est un peu plus daqiq, il y a des minutieux, c'est un peu plus recherché, ça demande de faire des efforts d'interprétation et tout. Non. Ensuite, il y a les mantashabbaha bihim, c'est-à-dire à l'inverse, c'est-à-dire l'alim qui ne met pas en application, celui qui est l'abbis, comme on avait pu voir par rapport au verset qu'il a, ashara ilayh, il abbis ala nas, kazalika min zalika ta'wil al-batil, al-tahrif, les modifications, que ce soit l'essence, ou bien les termes, il vend les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala pour une part de cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire qu'il va tourner l'interprétation des textes afin de prendre par ce biais-là la dunya. At-takabbur, yartafa' al-nas. Lorsque c'est lui qui fait le nasiha, on doit l'écouter. Lorsque c'est lui qui fait l'erreur, personne ne doit lui répliquer ou bien lui montrer ses erreurs. Enfin, ils ont beaucoup de sifaha, voilà. Et la plus grande des sifas, c'est l'amal. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, « وَقُلْ لِيْعْمَلُوا فَسَيَا اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ » L'amal, c'est la carte d'identité de la personne. C'est-à-dire que ça l'identifie directement. « كَذَلِكَ بِالْتَسْكِيَا » Comme on avait pu voir. Ceci, c'est une chose qui nous permet de différencier. « التَسْكِيَا وَكَذَلِكَ الْجَحْ وَتَعْدِيلِ » L'éloge, pour ceux qui le méritent, et la critique pour ceux qui le méritent aussi. Ceci, c'est un biais pour différencier entre les Al-Halim wa al-Azi yatashabbah bi al-Ulama, naham. Et ça rentre aussi dans ce cas-là, on avait pu évoquer celui qui est majhoul, naham. Comme celui qui est majhoul, fil haqiqa, aussi on doit s'écarter de lui parce qu'il n'y a pas d'éloge qui est fait sur cette personne-là et on ignore. Est-ce qu'il a la science? Est-ce qu'il est apte à pouvoir donner? Donc il faut s'écarter de ces personnes-là parce que, comme on a pu voir, le athar, inna hada ilm dinun. Cette science-là, c'est une religion, c'est une. Tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala bih. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan al-jannah. Il a montré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que la recherche de la science, c'est une issue pour rentrer au Jannah. Bel, il a dit que c'est l'issue la plus facile. Sahala Allah. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que la science nous rapproche d'Allah azza wa jal comme elle peut nous écarter si jamais la science allait tukhalif al-kitab wa sunnah. Naham. Enfin, c'est important de connaître voilà, les charlatans. Qala rahmahullah ta'ala qala al-aslu al-khamis qala bayanu Allah subhanahu wa ta'ala li awliya'illah wa tafriquhu baynahu wa bayna al-mutashabbihin bihim min a'da'ihi al-munafiqin wal-fujjar wa yakfi fi hadha ayatun wa hiya qawluhu ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah قال وآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال وآية في سورة يونس وهي قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال ثم صار هذا الأمر عند أكثر من يدعي العلم أنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسول ومن اتبعه فليس منهم. نعم هذا كذلك سن أصل كعظيم. Le cinquième أصل كذلك سن أصل كعظيم. Parce que c'est un intermédiaire aussi كذلك qui peut te rapprocher d'Allah سبحانه وتعالى. Dans le quatrième fondement, il a parlé des ulama. Et là, il parle de qui? Des awliya et des ubbad. Comme ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont une dévotion dans l'adoration. Ce n'est pas des ulama, lakin ce sont des atqiyas, ce sont des pieux. Comme des personnes qui appliquent énormément. Yusalluna bil layl, wa yusumuna nahar, wa husnul khuluq il akhiri. Ces personnes-là, kazalika, par leur comportement et par leur dévotion dans l'adoration, ça peut être un sabab, yani qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la da'wa peut être yani bil aqwal, c'est-à-dire par les paroles, ou bien ça peut être kazalika bil afhal. Tu vois quelqu'un faire une chose et tu veux t'identifier à cette personne-là parce que tu vois que c'est un khair qu'il est en train de faire, il jeûne beaucoup. Tu t'identifies à cette personne-là yani par rapport aux œuvres yani qu'il fait parce que tu sais que ça rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fala, fil haqiqa, il est en train de mettre en garde contre une chose qui est quoi? Al-ubbad, al-fusaq yani, parmi ceux qui se font passer pour les ubbad az-zuhad. Kama huwa fil fatiha. Fil fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en garde contre ces deux fondements-là. Plutôt, il a expliqué ces deux fondements-là qui sont importants, c'est-à-dire de connaître al-alim et al-ulama, wa kadhalika al-ubbad yani min hadhihi al-ummah, ce qui fil haqiqa yani sont des exemples à suivre. Naam. Faqala subhanahu wa ta'ala, ghayr al-maghdubi alayhim wa al-dhalim. Il a mis en garde contre les ulama qui ne mettent pas en application. Et ça, c'est Banu Israël. Comme on a pu voir, ça, c'est ma'ruf qu'il y a dans Banu Israël. Et kazalika, al-Nasara, al-Dullal, les égarés, ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, lakin bilahil. La personne, il peut se faire duper par celui qui se prétend comme un alim, lakin fil haqiqa. C'est un fasiq, ou c'est quelqu'un qui va détourner la science qui en est en sa faveur. Et كذلك العباد, celui qui a une dévotion dans l'adoration, lakin qui est jahil, qui adore Allah subhanahu wa ta'ala comme il veut. La yataqayyad bil ilm. Les deux, il faut faire attention. Parce que les deux sont des intermédiaires pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit on s'identifie au ulama, ou soit on va s'identifier كذلك العباد. فَهَا هُنَا فِي الْحَقِيقَةِ il est en train de montrer qui sont véritablement les عُبَّاد الزُحَاد les awliya yani, qu'on peut prendre yani, comme exemple et qui sont ces personnes-là qu'il faut yani, absolument s'écarter de eux. فَقَالَ هَا هُنَا قَالَ بَيَانُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ. Le asl al-khamis, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a montré qui sont ses véritables alliés. Al-awliya, c'est le jam', c'est le pluriel de al-wali. Et al-wali, c'est tiré de la langue arabe du verbe wala, waw, lam et alif maqsoura. Et ce verbe-là est là pour sens, yani la proximité. Tamam. Ya hulam, sammillahi ta'ala, wa kul bi yaminik, wa kul mimma yalik. Tamam. Le waw, hawana, il a été supprimé parce que ça, c'est le al-mithal, yani, comme on l'appelle yani, dans le sarf. Al-fi'al al-mithal, c'est-à-dire celui dont il y a un haf'illah au début. On supprime le waw. Avec, comme maintenant, wada'a, tu dis pas yaw'da'a. Tu vas dire yada'a. Fa'ana kadalika, on va pas dire yaw'la. Ou yaw'li. On va dire yali. Elle est supprimée le waw. Fa'kul mimma yalik et mimma yakrobuk. Fa'kala l'ulama, al-madda hadhi, waw, al-lam, al-alif, taddullah al-qurb. Fa'awliya Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-akriba. Naam, c'est ceux qui sont proches. C'est ceux qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la proximité à Hahuna, c'est la proximité bil-iman. Lian Allah subhanahu wa ta'ala, il est ma'an lazina amanu. Il est avec ceux qui croient. Et chaque mu'min, il a une part de wilaya, d'alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wallahu waliyu lazina amanu. Yani kama fi surat al-Baqarah. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque, qui sont les awliya. فقال سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا. Allah subhanahu wa ta'ala est l'allié des gens qu'ils ont cru. C'est-à-dire que c'est celui qui a l'asl l'iman. C'est le mu'min bimahna. Fait tout mu'min, il a une part de wilaya. Summa yatafawatun. Il y a des grades, il y a des degrés. Fait plus il aura la taqwa et plus il sera proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, il faut savoir, il y en a une chose, là on a, ce qu'il veut dire par ici, al-awliya, là il veut parler des atqiyah. Parce qu'il y a des gens qui sont parmi des charlatans, qui se font passer pour des zuhad, qui sont musulmans, lakin, qui ont des mukhalafat fi din. Celui-là, il est wali, c'est un wali, dans le sens où c'est un mu'min. Lakin, ce qui est voulu ici, les awliya illa et al-atqiya ou bien al-wilaya, al-kamila. La perfection dans l'alliance. Et là, ce qui est voulu, c'est al-taqwa. Al-marad ha-hona, c'est le muttaqun. Le fondement qui est voulu ici, celui qui veut démontrer ha-hona, c'est ceux qui sont muttaqun, ceux qui ont atteint une perfection en effet wilaya, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala sirran wa alaniya. Al-atqiya, hada huwa al-marad bih. Falabudda min ma'rifati man humul muttaqun. Parce qu'il y en a qui se font passer pour le muttaqun, mais fait le haqiqa, ils sont loin. C'est des fussaq, comme il a dit, il va l'évoquer. Munafiq fujjar. Qala wa tafriquhu wa al-wali. On n'a pas besoin de chercher la définition de al-awliya. Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué. Ala inna awliya Allah, la khawfun alayhim, wa la hum yahzanun. Il dit, qala al-ladhina, ça c'est une sifa. Al-ladhina amanu wa kanu yattaqun. Fait là, il a bien montré Allah subhanahu wa ta'ala que al-awliya fil kamal, et c'est la Bouddha qu'ils ont à asl al-iman, comme on dit, al-ladhina amanu wa kanu yattaqun. Et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Sirwan wa halaniya, c'est-à-dire que iza bi ta'atillah ala nourin min Allah, yarjuna thawab Allah, yatrukuna ma'siyatillah ala nourin min Allah, yakhafuna iqab Allah. Iza bi obéissance avec leur voyance, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'écartent des ma'asi par clairvoyance, en craignant le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hada huwa al-muttaqi. Fahaouna, ça nous montre bien que c'est quelqu'un qui n'est pas dans le ma'asi. Parce que la personne, elle pourra dire, mais tout muslim, il a awliya. Lakin, ce qui est voulu ici, c'est ceux qui sont les muttaqoun, le haut degré parmi les awliya. Ceux qui sont le plus rapprochés, yani bi al-amal. Ceux qui sont bien le rapprocher, bien l'amener. C'est pour ça qu'il a dit, Alladhina amanu, ça c'est l'asl fi l'wilaya, wa kanu yattaqun, ça c'est le kamal. Donc ce qui est voulu ici, c'est le kamal fi l'awliya. Comment on les reconnaît? Par les œuvres. Celui qui œuvre, et que son œuvre elle est conforme à celle du kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu vois le khashya, yani, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est dans les cœurs. Lakin, elle a des fruits qui vont apparaître, yani, sur les membres. Tu vas le voir dans sa manière de parler, dans sa manière de faire le mu'amala, dans sa manière de se comporter. Cette taqwa-là, tu vas la voir, elle a un fruit qui est extérieur. Tu vas la voir sur ses membres aussi, sur sa langue, sur sa manière de faire. Al-awliya, c'est important de connaître ça pour pas se faire tromper, se faire duper par les personnes qui mettent en avant l'adoration, lakin, que tu vois, ils sont dans la bid'a. Comme c'est le cas d'établir, masalan. Tu vois, ils font beaucoup de dhikr. Et il peut être dupé par rapport à cela. Il fait le haqiqa. Tu vois, cette personne-là, en vérité, c'est pas un exemple. Al-zuhud, ou bien celui qui est dévoué dans l'adoration, c'est celui dont son adoration elle est conforme. Et c'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a des gens comme des charlatans, comme c'est le cas chez les soufis, qui disent que al-wilaya, l'alliance yani pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme elle implique à atteindre un degré, qui fait que lorsque tu l'as atteint, il y a dans le yaqin, ou bien il dit le khawas ou le khawas, lorsque tu l'as atteint, il t'est permis toute chose. Il y en a, t'as atteint le degré où tu es libre, il y en a, de faire ce que tu veux. Et ils prennent pour d'aller certains des ayahs. Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu atteignes, il y en a, la certitude. Ils disent, il y en a, al-awliya, lorsqu'ils atteignent la certitude, ils peuvent se permettre de ne plus adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, les gens ils le prennent yani, comme adoration, comme c'est le cas avec les soufis. Naam. Fahada fil haqiqa haoula, c'est pas des awliya. Ou bien ceux qui portent le fait qu'il y a une bistira'a min ash-shayatin, ils font des choses yani, qui sortent de la normale. Il va se faire passer pour un wali dans le sens où il va dire voilà, j'arrive à faire des choses yani, qui sortent de la normale. Et ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a octroyé, parce que j'ai atteint un degré dans l'adoration qui fait que voilà, yani, je peux me permettre d'avoir ces pouvoirs-là, de faire ces choses-là. Fil haqiqa, cela, ils se font passer pour des awliya. Pour ça qu'ils ont dit le ulama, si jamais tu vois une personne qui vole dans les cieux, فَقَالَ السَّلَفَ فَلَا تَخْتَرْ بِهِ حَتَّى تَنْظُرْ فِي عَمَلِهِ. Ne sois pas dupé par cette personne-là jusqu'à ce que tu regardes régner dans ses œuvres. Est-ce que c'est quelqu'un qui حافظ على الصلوات الخمس يعني في المساجد في أوقاتها يعني est-ce que c'est quelqu'un qui يعني qui est là يعني par rapport au siyam et l'akhir يعني quelqu'un dont les œuvres sont conformes à Allah subhanahu ou conformes à l'ibada. فقال فلا تقتر به حتى ترى يعني في عمله. فهذا c'est ça le wali. أما الآن يعني les personnes ils regardent dans les choses qui sont pas demandées dans l'islam يعني faire مثلاً marcher dans l'air même s'il a marché dans l'air qu'est-ce que ça fait في الحقيقة ça fait pas de lui un muttaqin. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. C'est pas celui qui fait des tours de magie ou bien celui qui marche dans l'air. Si jamais Allah subhanahu wa ta'ala lui a, il est vraiment fait يعني على طريق المستقيم, il a honoré يعني de certains يعني pouvoirs comme c'était le cas avec Umar ibn Khattab رضي الله عنه lorsqu'il était bil Medina et il a élevé sa voix, il a dit يَسَارِ يَلْجَبَلْ. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de voir alors qu'il était fil Medina de pouvoir voir les personnes qui étaient en expédition fil le djihad, il les voyait comme si jamais il était avec eux, alors qu'il y avait une massafa, il y avait une distance entre eux. Et il a dit, lorsqu'il a vu qu'ils étaient un peu en danger, il a crié, dans la khutbah, il a dit, « Ya sariyat al-jabal ». Et eux, ils ont entendu. Allah subhanahu wa ta'ala, il a transporté la voix de Omar ibn Khattab jusqu'à ce qu'ils ont entendu. « Fahada yani, c'est mimbab al-ikram ». C'est-à-dire que si jamais... Allah subhanahu wa ta'ala, si cette personne-là elle fait l'istiqama et on lui donne ces choses-là, yani c'est un honneur que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Mais si jamais on ne te l'a pas donné ce genre de pouvoir, yani de choses qui sortent de la normale, on ne te l'a pas donné, فهذا في الحقيقة, ça n'enlève rien du tout, ça diminue rien au niveau de la taqwa. Parce que ce qui est voulu dans la taqwa, c'est l'istiqama. Pour ça qu'il a dit, l'imam Ibn Taymiyyah rahmahullah ta'ala, il a dit Akbar al-karamat. La plus grande des karamas, c'est le fait d'être mustaqim et de mourir sur cela. Mulazamatul istiqama. Le fait d'être assidu à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le plus grand des honneurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse te donner fi hadhihi al-hayat ad-dunya. Non pas voler dans l'air ou bien ceci, cela. Ça, c'est des choses, yani. Si tu les as données sans que tu recherches cela, c'est alhamdulillah, alhamdulillah, c'est une ni'ma qui t'a donné. Comme l'argent, c'est une ni'ma. Une voiture, c'est une ni'ma. Parmi les biens qu'Allah y donne. Lakin, la ni'ma al-uzma, c'est le fait d'être ala l'istiqama. Ces personnes-là, il ne faut pas être dupé par cela. Parce que fil haqiqa, ce n'est pas une raya. Ce n'est pas un but qui est recherché de voler dans l'air ou bien ceci, cela. Yani, prétendre yani, des choses yani, comme eux, ils prétendent yani, parmi les sofiyas. Ça, fil haqiqa, ce n'est pas une raya, ce n'est pas un but. Le but, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de le craindre. كما قال سبحانه وتعالى وما خلق الجن والانس الا ليعبدون. Ça c'est le but. Ensuite, si jamais il te fait honneur grâce de certains pouvoirs ou bien certaines choses, ça c'est يعني زياده عليه, c'est ni'ma parmi les ni'am, mais c'est pas le but. نعم. فهؤلاء ils prennent ça comme but, comme ces pouvoirs là qui sortent de la normale, ils prennent ça comme but pour dire voilà, nous sommes des awliya. Les pouvoirs qui sont donnés, c'est pas un dalil qui montre que ces personnes-là est un wali. Le wali, c'est celui qui est fil istiqama, comme on parle subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Yani bil kamal. Yani il est en train de te dire, ne te fais pas duper par ces personnes-là, qui par le biais de certains pouvoirs qui leur ont été donnés, certains utilisent la sorcellerie, la khirie, certains c'est des charlatans. Fait ça, c'est pas un dalil qui montre que ces personnes-là, c'est un wali et qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne prouve rien du tout. Lakin al-wali, c'est celui qui se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala bil-ibadah. يخاف الله سبحانه وتعالى فهذا هو الولي قال وتفريقهم بينهم وبين المتشبهين بهم ceux qui les ressemblent mais qui في حقيقة ne font pas partie des awliya. Pourquoi? Parce qu'ils sont في المعصية. قال من أعدائه, et ça montre qu'ils sont pas في العبادة. العدو c'est celui qui délaisse l'adoration d'Allah عز وجل الذي حارب الله سبحانه وتعالى والمؤمنين. من أعدائه المنافقين, ceux qui font apparaître une chose لكن في الحقيقة il dissimule d'autres choses. Qala wal fujjar, ceux dont la marsiya elle est wadiha. Al fajr, c'est le désobéissant. Celui qui désobéit à la niyah, ouvertement. Tam c'est pris de la kalima qui est al-fajr. Tam fajara. Al-fajr, bimana, c'est intichar al-nahar. Fa al-fujjar, n'est-ce pas, c'est ma'khoud min hadhi al-madda. Bimana, al-ladhi yatafajjar fihi, al-bimana, al-ladhi yatawassa'ani fil mahsiyah. Tam celui qui se donne pas d'élimer dans le mahsiyah et qui le fait à la niyah, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pudeur en plus. Fahada, c'est des alama qui montrent que ces personnes-là ne sont pas des awliya. Ces alamates-là, si jamais tu le vois sur une personne et il prétend à l'wilaya, si c'est un muslim, c'est un da'if al-iman, c'est un miskin. يحتاج الى انه يستقيم. قال ويكفي في هذا آية اي يكفي في هذا لبيان. Pour montrer la différence entre les awliya Allah et awliya shaytan. قال ويكفي في هذا آية وهي قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهؤلاء الاولياء ces charlatans qui prétendent être des awliya, là chaque fois qu'il va faire, si jamais tu leur demandes est-ce que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire oui. Parce que sinon, j'aurais pas pu être un wali. Lakin anta al-antandur anni fil amal. Si jamais vraiment tu dis tu es un wali, dans ce cas-là, pourquoi tu délaisses l'adoration? En fait, tabi'uni yahbibukum Allah. C'est qui le plus grand des wali? Le plus grand des awliya, yani awliya Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Rasul. Alayhi salatu wa salam. Wa ma'a dhalika, il n'a pas délaissé l'adoration. Bal al-aks, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés, ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, fa zada fil ibada. Il a augmenté. Plus il augmentait en taqwa et plus il faisait des adorations. Lorsque, hatta un point même que Aïcha s'est étonnée. Il priait les nuits jusqu'à yanni tatawarram yanni qadama, jusqu'à ce que ses pieds gonflaient. Wa fi ba'd ar-riwayat tatashaqqaq, yanni que ses pieds se fissuraient. Fa qala ya Rasulullah, لماذا تفعل ذلك وقد غفر وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah عز وجل t'a pardonné tes péchés, tous tes péchés. فقال أفلا أكون عبدا شكورا. Est-ce que c'est pour autant que je dois pas être reconnaissant, que je dois pas être un abd qui est reconnaissant? فالمؤمن التقي, c'est celui qui est reconnaissant. Plus on les donne et plus كذلك il est reconnaissant. Et parmi ذلك العمل. Ils disent, yani, on est monté en degré, la qui ne délaisse la ribada. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est monté en degré et n'a pas laissé la ribada. Bel, bilax, il ajoutait, il faisait en plus. Ça, c'est le plus grand dalil. Ça, c'est ayat al-imtihan. On examine les gens par cette ayat-là, c'est une misaine. Celui qui prétend adorer Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt l'aimer, il doit suivre le prophète. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam. S'il fait une bid'a, tu dis, est-ce que tu aimes Allah ou pas? Il va dire oui. Donc si tu l'aimes, tu dois suivre le prophète. Salawatullahi wa salamu alayhi. Par rapport à cette ayah-là. Donc tu dois délaisser cette chose-là que An-Nabi Sam n'a pas fait. Parce que là, tu n'es pas en train de le suivre, là, tu es en train de contredire sa guidée. Naam. Qala wa ayatun wa yaquluhu ta'ala ya ayyuha allatheena amanu man yattadda minkum 'an dini. L'apostasie, c'est-à-dire délaisser l'islam ba'da ad-dukhul fi. Et ça, c'est achat que al-kufr. C'est achat domine al-kufr. Parce qu'il a connu ni'mat al-islam et il a délaissé. Amal kafir n'est pas rentré dans la ni'ma. C'est pire, yani. Qala, yayuha lazina amanu, man yattadda minkum an dini, fasofa ya'ti Allah, biqawmin yuhibbounahum wa yuhibbounah. D'un peuple dont Allah Azza wa Jal aime et que eux aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces sifat-là, qala adillatin ala al-mu'minin. Ils sont doux envers les mu'minins. Qala al-ulama, kal-ummaha waladiha. Comme la mère avec ses enfants. قال عزة على الكافرين قال العلماء كالحيوان المفترس مع فريسته comme l'animal sauvage avec sa proie. قال يجاهدون في سبيل الله, ils combattent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça rentre dans cela الطاعه, le fait d'obéir à Allah azza wa jal. Ça, c'est le plus grand des combats, le fait de combattre de son âme contre les passions et adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus grand des jihad. Et ça rentre donc كذلك الجهاد المنافق, dans le sens où c'est un bayan تام للأمة, et كذلك الجهاد الكفار, جهاد الكفار يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم يأمرون بالمعروف ولا يبالون. Et le charisme est de certaines personnes, ou le rang de certaines personnes, c'est pas un rempart pour lui qui l'empêche d'ordonner le convenable et de blâmer ce qui est blâmable. فهو يراعي الله سبحانه وتعالى كان الله عز وجل. Wala yakhafu lahum mata'ib, c'est pas son problème, yani le reproche des personnes. Naam. Ça, c'est les sifat, yani des awliya. Sifat des awliya. Il a évoqué quatre choses que eux ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala et Allah les aime. ils sont doux avec les mu'min, durs avec les kuffars, ils combattent dans le sentier d'Allah Azzawajal et ils n'ont pas peur de des représailles, plutôt des reproches. Enfin, ça c'est des halamas qui sont wadiha, les awliya al-muttaqin, les véritables. Qala wa ayatun fi surati Yunus, wa hiya qawluhu ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Enfin, Allah Azzawajal a évoqué qui sont les awliya, qala la khawfun alayhim. Et c'est-à-dire, yani, ces personnes-là, lorsqu'ils vont quitter Hayat al-Dunya, la khawfun alayhim, qui n'aient pas peur yani, de ce qu'ils vont découvrir yani, après la mort, parce que c'est que du khair. Qala wa lahum yahzanun, et kadalika, qu'ils ne soient pas attristés yani, de ce qu'ils ont pu laisser, comme ni'am, et kadalika min banun, al-azwaj, qu'ils ne soient pas attristés d'avoir délaissé ça là. Parce que là, ils ont délaissé yani, ces ni'am-là, ces personnes qu'ils aimaient bien, lakin pour une chose qui est beaucoup plus grande, qui est Rida Allah subhanahu wa ta'ala wa nazar. Il est wajhi Allah azawajal wal jannah, yani qui est beaucoup plus grand. Non, il va les retrouver, inshallah, ceux qu'ils étaient aussi, fil istiqama fala yahzan. Qu'ils ne soient pas attristés, yani des choses qu'il a laissées derrière lui après sa mort. Qala alladhina amanu wa kanu yattaqun. Yani ça c'est la sifa des mu'minin, des awliya. Ils craignent Allah, ils ont asl al-iman, aqida sahiha, et kadhalika ils ont amal. Yani pas de bid'a, ils ont un bon comportement. Tam. Ils ont din. Tam. Ils ont l'istiqama. Ils ont l'iman, l'aqida, et كذلك المنهج والاستقامه والخلق. فهذا c'est les awliya في الحقيقه la budda min al-amal, ça montre qu'ils ont une aqida, ils ont de l'amal. Amma hawla, ceux qui disent wa'bud rabbaka hatta ya'tiyak al-yaqin, tu délaisses l'adoration à partir du moment où tu as atteint le grand stade de la certitude, fahada yani c'est une compréhension qui est totalement fausse. Et le murad bil aya al-yaqin bima'na al-maut comme ja fi al-hadith yani amma hadha faqad ja'ahu al-yaqin. Quant à celui-là, la certitude lui est parvenue, c'est-à-dire la mort. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ayna al-yaqin. Yani là, ils ne pourront plus démentir. Ils vont voir devant eux le nar, le janna, ils vont voir yani les choses dont ils démentaient. Naam. Qala thumma sara hadha al-amr 'inda akthar man yad'i al-'ilm annahu min hudat al-khalq. Yani, ça a changé, comme il a pu évoquer. Les personnes ont prétendu, ceux qui se faisaient passer pour des awliya, ils se sont fait passer comme étant les personnes qui sont les houdat, c'est-à-dire les prédicateurs, les bons exemples, alors que fil haqiqa, ce sont les mauvais exemples. Qalu wa huffaz al-shar, ils se font passer pour ceux qui, comme il a traduit, les gardiens de la législation. Les gardiens de la législation, là. Fahawala, yani, ce sont. Ils se sont fait passer pour des personnes qui ne sont pas. قال ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول. Donc eux ils ont prétendu, ceux qui se sont fait passer pour les gardiens et l'akhirah, ils ont prétendu que al-wali, les alliés, لا بد فيهم, yani pour que tu sois un wali, لا بد من ترك اتباع الرسول, il se doit de délaisser le suivi du prophète salawatullahi wa salam alayhi. Qala wa man ittaba'ahu fa laysa minhum, et laysa min al-awliya. On dirait ils ont placé l'awliya au-dessus des anbiya. Non, c'est un dalal qui est wadih, il n'a plus besoin lui. Voilà, c'est comme dans l'aya, comme ils ont dit wa'bud rabbaka hatta yatiyak al-yaqin. Comment ça a été évoqué, certains disent yani, ils délaissent la prière, tu leur dis mais pourquoi tu délaisses la prière, ils disent non je suis en train de prier, je suis à Mecca en vérité là. Puis elle fait même la cale, elle fait sauf l'Owel. Non. Ah ouais, oui. Hologramme, il a un double. A'oudhu billah, yani. Et des choses, yani, subhanallah, yani, tu te dis, comment on peut avaler ces salades-là, yani, subhanallah, yani, ça c'est des personnes dont Allah Azzawajal a retourné leur cœur. Tu peux mentir, tu vois. Ouais, c'est dévoilé, tu peux mentir. Lakin, c'est les personnes qui acceptent cela qui est le plus triste dans cela, tu vois. Ah, mais celui-là, il ment, il dit des choses, il y en est bon. Ça le regarde, mais celui qui vient et qui le croit derrière, c'est ça qui fait peur, tu vois. Des masakin qui arrivent à croire ces personnes-là, qui sont des awliya, et que même Yanni se rabaisse à ces personnes-là dans le sens où ils les adorent, tu vois. Et ça revient un peu dans ce qu'on a pu voir avec, dans le wajibat. Ceux qui prétendent prendre des awliya, terme des intermédiaires pour adorer Allah Azzawajal, parce que ce sont des personnes qui ont des péchés, et lui se fait passer pour un wali, quelqu'un qui est un haut rang près d'Allah. T'as, donc ton adoration ne peut être acceptée que si jamais tu es bon vers moi, yani tu l'adores, tu fais ceci, cela, tu vois, pour que lui ensuite ils transmettent ton adoration à Allah Azzawajal. Ça rentre un peu dans ce... Ça rentre un peu dans ce asla qu'on avait pu voir dans le wajibat. Ils font perdurer cet égarement-là. Que Al-Awam, c'est des personnes qui ne peuvent pas adorer Allah Azzawajal directement. Et nous, on est des personnes qui sont les intermédiaires entre vous et Allah Azzawajal pour que vos adorations soient acceptées. Ça, c'est le, oui, c'est la aqidah de Tassawwuf, je ne sais pas comment. Alhamdulillah, il a dit afana, mimma btuliya haula, wa faddalana ala kathir, mimman khalaqa tafdila. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala dhalika alayhi wa sallam. Parce que des fois, tu te dis, bon, je ne sais pas comment ils ont fait pour entrer dans cet égarement-là. Il faut faire dua que Allah il t'a favorisé, quoi. Il t'a favorisé, parce que s'il aurait voulu, il aurait tourné ton cœur aussi, comme il a tourné le cœur de ces personnes-là. Fa al-wali, comment? Non, je dis, ça faisait penser à l'époque, j'avais vu un peuple en, je crois c'est en Indonésie ou quelque part comme ça en Asie du Sud-Est là. Et il n'y avait qu'une partie du village qui faisait Ramadan maintenant. Subhanallah. Il n'y a que leur chef. Tu vois, il n'y a que eux, ils faisaient Ramadan. Pendant toute la journée, une fois que le soleil se lève, ils rentrent dans la mosquée, ils ferment les portes, ils restent jusqu'au coucher du soleil. Et les gens, ils leur ramènent la nourriture, etc. Dès que c'est le coucher du soleil, les gens, ils rentrent et ils leur ramènent la nourriture, etc. Et on sait pas ce qu'ils font pendant toute la journée dans la mosquée. Ah oui, billah. Subhanallah. Et les gens, ils disaient, c'est eux qui font sien pour nous. Eh, hey, t'as des gens, c'est des massacres, comme pour, voilà, ça existe encore à cette époque-là. Il y a des gens massacres, tu vois. Subhanallah. Ils se font avoir par ces personnes-là, c'est des charlatans, tu vois. C'est un peu aussi, tu retrouves ça chez les chrétiens, là, tu vois. Celui qui est le curé, là, qui, t'as des curés qui sont super milliardaires là par rapport à ça. Ils s'amusent avec les chrétiens dans le sens donnez-moi beaucoup d'argent et moi je vais faire des. Je vous pardonne et tout, tu vois. Al-Muhim, Al-Dalal, Al-Mubin.